C'est malheur aussi. L'amour. c'est un petit souci. Ça peut te rendre heureux, l'amour, comme ça peut te rendre aussi malheureux. Amali mama, ce que kangio, comme il sauve la maladie d'amour, amour. Amama, ce que tinga milo, kola sonzoe. Moyen ou changer mon délicat, les faits, la mama, pour l'amour, l'amour. L'amour constante pour l'amour. Here you go.